Bonsoir à tous en ce vendredi 9 novembre. Bienvenue à l'émission Le Terminus. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Au programme dans la prochaine heure, du rock indépendant en provenance entre autres de Merchandise, Trailer Trash Traces, également Protofiev, Ringo Dead Star, ça c'est une nouveauté, mais aussi des vieilles affaires comme Walkman, également du vieux Tokyo Police Club. On va débuter avec trois nouveautés super intéressantes. Je suis vraiment très, très fier de présenter ça ce soir. En fait, on va commencer avec Boss Angeles, qui ne sera pas de Los Angeles, mais de Londres, en Angleterre. Ils vont sortir le 26 novembre prochain, Taking Out the Trash, qui est une cassette qui rassemble... Oui, sur cassette, c'est ça. Quatre EP qu'ils ont enregistrés dans les derniers mois, en fait, depuis la création du groupe en 2011. Donc, quatre EP qui vont être groupés sur cette cassette-là et également disponibles sur Bandcamp. En attendant, il y a une première chanson qui a été produite, en fait, qui a été rendue disponible sur leur Bandcamp. Elle s'appelle « Tearing Your Heart Out, One String at a Time » du groupe Boss Angeles. On écoute ça tout de suite à l'émission de Terminus. Death Star avec la chanson Waste, qui est tirée de leur deuxième album qui s'appelle Mauve, qui est sorti en septembre dernier. Et c'est, je vous recommande cet album-là de Ringo Death Star. Vraiment une très, très belle collection de chansons shoegaze là, qui sont à la fois très, très planantes, beaucoup de distorsions, mais en même temps aussi super accessibles à tous, aux oreilles un peu moins averties. Et donc, ça conclut bien un premier segment musical qui rockait pas mal, avec beaucoup de distorsions. Donc, juste avant Ringo Death Star, c'était The Deadheads, un band de Sydney, en Australie. Et c'est drôle parce qu'en consultant leur page Facebook, le groupe a annoncé qu'ils allaient sortir dans quelques semaines, en fait, dès le début de l'été, un nouveau EP. Et là, je me suis dit, dès le début de l'été, voyons qu'est-ce qui se passe, il doit y avoir un problème, ils sont trompés. C'est un vieux message sur leur page Facebook. Ben non. J'ai réalisé que c'est vrai, les Australiens, en fait, eux, vont... c'est le printemps chez eux actuellement, donc ils sont chanceux. Assez chiant, donc, de consulter ce genre de message-là. Et ils avaient entendu, donc, du band Deadheads, la chanson Eject, et ça se retrouve sur l'album This Is What's Happening in Sydney, et c'est disponible sur Bandcamp. Ils ont deux albums à leur actif, ce groupe-là. On va tout de suite passer en français avec André, la chanson Tigane et Sarah sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus. Yeah. La formation Do It Yourself de Tampa en Floride. Merchandise avec Time, une chanson qui sonnait quand même pas mal, hein, années 80. Je pensais entre autres à The Smiths peut-être comme référence à cette chanson de Merchandise, en tout cas dans la voix du chanteur enfin. Avant Merchandise, c'était Sky Larkin et Empty Bodies. On va poursuivre tout de suite avec du Hors Condor de leur 7 pouces motoriste Machine qui est sorti l'été dernier. Voici Machine, l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. We'll be right back. classique de la semaine ici à l'émission Le Terminus, c'était The Walkman et Wake Up, qui remontent à 2002, en fait, sur leur premier album Everyone Who Pretended to Like Me Is Gone. Et le groupe The Walkman, ils nous ont visité, c'est vrai, l'été dernier, au Festival Oshiaga. C'était autour de la sortie de leur dernier album Heaven. Et maintenant, ils vont revenir en salle cette fois-ci à l'intérieur, nous voir le 15 janvier au Théâtre Corona. Donc, The Walkman reviennent nous voir en début d'année prochaine. On va continuer avec quelque chose d'un peu plus tranquille, si on veut. Ce sera très, très, très surf pop, si je pourrais dire. Ça fait même penser à la plage, aller voir dans le début de la chanson. Ça s'appelle Baloo. C'est le projet d'un monsieur qui s'appelle Ellie Thomas. Et il a fait paraître cet été une cassette, un autre gars qui travaille sur cassette, qui s'appelle Worry Tooms, de laquelle voici la chanson Australian Summer du groupe ou du projet Baloo à l'émission Le Terminus à CISM 89.3. Thank you. trouble du trio montréalais Protofiev. Et vous avez aussi entendu dans le dernier segment la musique de Trailer Trash Traces. C'était la chanson You Wish You Were Red. Ça se trouve sur l'album Easter qui est sorti vraiment au tout début de l'année. Je crois que c'était en janvier dernier. Je vous propose maintenant pour le prochain segment de remonter à peu près 6 ans en arrière. C'est à ce moment-là que le groupe en provenance de Toronto, Tokyo Police Club, avait sorti son premier EP. C'est à ce moment-là qu'on les avait remarqués. EP qui s'appelait Allison in Crime, qui proposait le groupe à l'époque une espèce de garage pop qui avait été assez bien reçu. Et disons que ça s'est un petit peu dégradé par la suite là, pour vous donner un aperçu où ils en sont rendus, Tokyo Police Club. Et bien, l'année dernière, ils ont sorti un album de reprise qui volait pas très, très haut. En fait, il faut aller écouter ça si ça vous dit, mais c'est pas super bon. Enfin, on va écouter donc du premier EP de Tokyo Police Club, la chanson « La Ferracie ». Malgré le nom, c'est en anglais. Vous écoutez toujours l'émission « Le Terminus » sur les ondes de CISM. Si t'en as plus rien à foutre. Deportivo, Exorde Baraté. Reste à l'écoute, Zika Mendes suit dans quelques instants avec son émission L'âme Hi-Fi. Si vous voulez retrouver la liste des chansons que je joue ce soir ou même réécouter l'émission en balado-diffusion, c'est toujours sur le CISM893.ca, également le terminus.ca. On a le temps pour une dernière chanson. On n'aura peut-être pas le temps, par contre, de l'écouter au complet. Je m'en excuse à l'avance. Ça sera l'album qui est en 22e position du palmarès de CISM. C'est l'album Local Business de Titus Andronicus. Et la chanson que vous allez entendre tout de suite, ça sera Ecce Homo. Voilà, je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, très bonne fin de semaine également. On se repart la semaine prochaine, 21h pour le Terminus. Ciao! Worthless, and there's nothing in the universe with any 4 et la Royale Électrique présentent la rentrée montréalaise des revenants. Le vendredi 9 novembre, au Lion d'Or, dans le cadre du coup de cœur francophone. Billets en vente sur le réseau Admission et à la billetterie du Lion d'Or. La chaleur de l'automne arrive à grands pas et le Tabasco Bar est l'endroit pour te réchauffer. Goûte à l'été 12 mois par année lors de nos populaires lundis Mojito Double. Viens découvrir les mardis Beautiful, où tu pourras boire un litre de Molson X ou ton drink préféré in das Boot. Les fans d'électro seront envoûtés par nos mercredis Magnifico, où le Pichette Boréal se marie avec la meilleure musique électronique de DJ Enzo Gary. Et tout nouveau au Tabasco Bar, les jeudis Beat the Clock. Non, non, pas casser la montre. Beat the clock. De minuit à 1h, show. De 11h à minuit, épicé. De 10h à 11h, Tabasco hot. Enfin, termine ta semaine avec la légendaire soirée des dames Fresh Fridays. Un cocktail frais de musique fruité toute la soirée. Le Tabasco Bar souhaite aux étudiants une très belle rentrée. De notre côté, on s'occupera de vos sorties. Information. TabascoBar.com. Plutôt sec? Écoute les préliminettes. Le samedi, de 23h à minuit. HEC Montréal. Ces lettres vous mèneront loin. Multilingue international, le baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal vous est offert en français, bilingue français-anglais ou trilingue français-anglais-espagnol. Le baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, une expérience universitaire à votre portée. Rencontrez-nous lors de la journée Portes ouvertes le dimanche 11 novembre de 10h à 16h. Information hec.ca. HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. Jusqu'où irez-vous? Hi, this is Josh from Starf. And you are listening to CISM. Astral présente la 7e édition de M pour Montréal, du 14 au 17 novembre. 4 jours de découverte musicale, près de 100 groupes locaux et internationaux.